Bonsoir à toutes et tous, c'est l'émission Au fond près du radiateur, comme tous les mardis soirs, 19h-20h30 sur FPP 106.3 FM, fréquence Paris Pluriel, Radio Libre. Avant de faire le sommaire de cette émission, Au fond près du radiateur, on va se passer un petit peu de musique, et tout de suite après, on va parler un peu du mouvement en cours contre la loi travail, de l'hôtel Campanile, Tour Eiffel qui est en grève, et faire le point un peu sur ce qui se passe en France. Les manifestations et tout ça, c'est au fond près du radiateur, 19h-20h30, gardez l'écoute. Bonsoir à tous, oui, on va s'écouter Big Bud, Persian Blues. We'll be right back. How about a hand for Big Bud over there? Pumping out those funky grooves. Thank you. Vous êtes toujours au fond près du radiateur, 106.3 FM. Alors, on va commencer cette émission avec Raphaël qui va nous faire le sommaire. Bienvenue à tous. Bienvenue et merci d'être à l'écoute comme tous les mardis, 19h-20h30 ou alors la rediff le vendredi matin de 7h à 8h30 du matin pour la rediffusion. Donc de quoi on va parler ce soir dans Au fond près du radiateur? Déjà, Au fond près du radiateur, donc c'est une émission qui donne la parole directement aux gens qu'on n'entend pas ailleurs, c'est-à-dire aux gens qui luttent, aux gens qui participent aux mouvements sociaux, aux grèves, aux gens qui sont en galère, aux gens qu'on n'entend pas ailleurs, aux gens qui lèvent la tête, aux gens... qui sont fiers et tout ça, qui sont là. Et du coup, ce soir, on voulait parler, du coup, faire un point sur les manifestations qui ont eu lieu aujourd'hui contre la loi travail, la loi El Khomri, donc toujours pour le retrait de cette loi qui veut en gros nous faire travailler plus pour moins d'argent, quoi, baisser les salaires, augmenter les horaires. Et du coup, on va faire un point sur ce qui s'est passé aujourd'hui à Paris et à Toulouse. En deuxième partie d'émission, on va parler un peu de la place de la République. Normalement, on attend un appel aussi de quelqu'un qui est là-bas. Donc c'était à l'initiative de la Nuit Debout, donc la place de la République occupée. Il y a des assemblées générales avec 1000, 2000 personnes. Il y a beaucoup de monde qui est là-bas. Donc ça nous a intéressé aussi d'avoir un peu un compte-rendu de ce qui se passe. Et en dernière partie d'émission, on accueille donc des grévistes de l'hôtel Campanile Tour Eiffel. Bonsoir, merci. Bonsoir. D'être là. Et du coup, vous allez nous parler un peu de vos combats. Vous êtes en grève reconductible depuis le 18 mars, c'est ça? Ouais. Exact. Ok, et du coup, ça sera la parole à vous pour la dernière partie de cette émission. Aussi, vous êtes en grève notamment pour des conditions de travail, aussi pour l'alignement des droits des salariés de la sous-traitance avec ceux des salariés de la boîte, et contre la loi El Khomri aussi, donc vous allez subir en première ligne, quoi, donc dans l'hôtellerie, la restauration, ça va vous concerner en premier lieu. Donc voilà, ça c'était le sommaire de cette émission, et puis tout de suite on peut écouter un peu de musique, Robinson, si tu veux bien, puis on va parler de, ou alors on en parle maintenant, c'est comme tu veux, de la manifestation à Paris. Oui, on peut en parler après cette musique, par exemple, comme ouais, ça. Hein, ok, passe un peu de musique. On écoute un peu de musique. IFPP 106.3 FM. Là, tu montes celui-ci. get some song in my soul, get some song in my soul, get some song in my soul, get some song in my soul, get some song in my soul, get some song. Sur Fréquence Paris Pluriel, 106.3 FM, radio libre, associative et sans publicité. C'est l'émission Au fond près du radiateur. Donc voilà, ce soir on voulait parler de l'actualité du mouvement contre la loi El Khomri, la loi travail. Donc c'est une loi en gros qui va un peu détruire le code du travail et aller vraiment dans le sens de ce que veut le MEDEF, donc le syndicat des patrons, c'est-à-dire nous faire travailler plus. Tout en diminuant nos salaires, donc pour augmenter leurs profits sur notre dos. Voilà, donc aujourd'hui, pour commencer, on voulait parler un peu de ce qui s'est passé à Paris, et ensuite on parlera un peu de ce qui s'est passé à Toulouse. Donc ça a bougé pas mal, et donc notamment la manifestation lycéenne aujourd'hui a réuni plus de 1000 personnes. Il y avait une trentaine de lycées bloqués à Paris, une trentaine de lycées bloqués en banlieue aussi, et du coup, y a notamment aujourd'hui il y a eu un niveau de répression qui était assez hallucinant. La BAC qui a attaqué les blocus, donc la brigade anticriminalité, c'est-à-dire la police en civil, qui a attaqué les blocus de lycée. Il y a eu deux personnes qui ont eu le crâne ouvert avec des points de suture à cause de coups reçus par la police notamment. Voilà, Robinson, toi t'étais à la manif aujourd'hui, donc et Monia et Ouria, vous étiez aussi à la manif aujourd'hui, et du coup attends, c'est Warda, je suis désolé, c'est Warda, et vous étiez à la manif aujourd'hui aussi, donc si, je vous laisse un peu la parole si vous parler de ce qui s'est passé un peu, Robinson. Oui, on peut parler de ce qui s'est déroulé aujourd'hui. Déjà, la journée a commencé à l'AG à Tolbiac, une AG qui s'est bien déroulée. Beaucoup de discussions, notamment sur la convergence des luttes, avec les cheminots notamment. Il y a une convergence des luttes également demain à la Pitié-Salpêtrière à 6h30. Voilà, tout ce qui peut faire qu'on reste groupé, que le commun, enfin qu'on reste groupé et que le rapport de force continue. Après, ça a continué évidemment à départ de Bastille jusqu'à D'Enfer Rochereau. C'était une manifestation qui s'est bien déroulée, pas mal de CRS cette fois-ci. Il n'y a pas eu de gazage à ma connaissance. Ça s'est bien déroulé. Et puis après, ce qu'on peut noter, c'est que il faut savoir qu'à Nation, il y avait un départ d'étudiants, de lycéens, de fac, d'université. Et c'est quand même la chose assez grave qui s'est passée aujourd'hui, c'est qu'il y a eu 132 interpellations de lycéens, notamment ceux qui étaient devant le cortège. Apparemment, il n'y a pas eu de casse, il n'y a pas eu de violence, de provocation, mais ils ont interpellé 132 personnes, ce qui n'a jamais été fait depuis le début. Et du coup, voilà, après la manif arrivée à D'Enfer Rochereau tout à l'heure, il y a au moins 200 à 300 personnes, enfin, voire plus, qui se sont dirigées donc, dans le 19e commissariat du 19e principal. Et voilà, une belle manif devant le commissariat, il n'y a pas eu de casse. Les CRS sont arrivés, il y en avait une bonne quarantaine et ça s'est bien déroulé, le message est passé. Toutes les 10 minutes, ils faisaient sortir justement des personnes qui s'étaient fait interpeller le matin même à Nation. Donc une bonne ambiance, une bonne convergence, vraiment. Il se trouve qu'il y avait quand même quelques mineurs et collégiens, ce qui fait que les CRS se sont un petit peu calmés. Mais voilà, c'est bon de noter quand ça se déroule plutôt bien et le rapport de force est là, Raphaël. Oui, donc comme tu disais, il y a eu de nombreuses arrestations et faut dire que la police aussi se comporte différemment quand, notamment il y a des syndicalistes aussi dans les cortèges ou des choses comme ça, mais si c'est des cortèges de jeunesse, et notamment de jeunesse de banlieue, ils se permettent vraiment des choses qui ne se permettraient pas avec d'autres personnes. Et actuellement, il y a 32, il y a beaucoup de personnes qui ont été arrêtées, et il y a un rassemblement devant le commissariat rue de l'Évangile, donc c'est dans le 18e, je crois que tu as parlé du 19e, mais c'est dans le 18e arrondissement, métro Max Dormois. Il y a un rassemblement en ce moment, 32 oui, rue ça. De l'Évangile. Donc c'est le commissariat qui est spécialisé pour quand ils arrêtent les manifestants dans les manifs, ils les parquent là-bas parce qu'ils ont ils ont beaucoup de place et tout ça, donc ils les parquent là-bas. Actuellement, il y a beaucoup de gens qui sont là-bas, il y a un rassemblement devant, donc on vous rappelle, si vous voulez apporter votre soutien aux manifestants pour leur libération, réclamer leur libération, 32 rue de l'Évangile. Métro Max Dormois. Je ne sais pas si Monia et Ourda, vous voulez réagir un peu, dire comment s'est passé la manif pour vous. On a vu qu'il y avait un déploiement de policiers vraiment important par rapport au nombre de manifestants. Et donc, nous, on a rejoint le cortège hein, parce qu'on a démarré notre journée à midi. Donc, on a manifesté devant le Campanile à la porte de la Villette. Mais parce que vous travaillez au Campanile à Tour Eiffel, c'est ça ? Donc, on rappelle ça. Donc, on est 100% en grève depuis le 18 mars. Donc, on est filiale du groupe Louvre-Hôtel. Donc, on rappelle, c'est le deuxième groupe hôtelier au niveau européen. Et donc, on a manifesté, justement, et on était accueillis par la responsable régionale et notre DRH, hein, qui nous filmait, nous photographiait. Et après... Ok, et du coup, vous avez rejoint la manif à Bastille, ouais. Voilà, donc on a manifesté aussi devant notre campanile à Bastille. Et après, on a rejoint justement le cortège. Et donc, on était en dernier avec le syndicat CGT, parce qu'on est sous son égide. Et effectivement, il y avait un déploiement vraiment disproportionné par rapport aux manifestants. On a vu vraiment les forces de l'ordre vraiment massivement... suivre le cortège. Voilà. Ouais. Mais on n'a pas vu des actions assez, on va dire, okay. déplacées. Voilà. Ok. Et du coup, vous êtes aussi en lutte contre la loi travail. Tout à fait. Pour le retrait de ce projet de loi, ouais. Comrie, parce qu'on est dans le secteur hôtelier, donc ça a concerné forcément par pas mal de choses qui ne vont pas dans le bon sens. Voilà. Ok. Et du coup, je crois qu'on a le camarade de Toulouse au téléphone. Non, pas tout de suite. Ok, d'accord. Donc, je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose, Robinson. Vas-y. Ouais, je voulais rajouter quelques échos de cette journée de grève et de la GEA Tolbiac. Par exemple, on a eu ce matin une fille de l'école qui a fait le parallèle avec le scandale qui est sorti hier dans tous les journaux au niveau international. C'est quoi, Panama Papers ? Et voilà, ça rajoute une couche à ce foutage de gueule général. On est pris pour des cons, des pigeons, c'est vraiment la totale. La finance, on le savait déjà, mais bon, là, ça donnera une preuve de plus à ce chaos. et à la loi travail en parallèle. Et voilà, donc il y a une convergence peut-être à faire avec ça également. On a l'auditeur. Tu peux le présenter, Raphaël, il est au téléphone. Ok, donc on a Nico au téléphone de Toulouse. Donc ça, on voulait savoir un peu ce qui s'était passé à Toulouse aujourd'hui. Nico, tu nous entends bien ? Oui, je vous entends bien. Ah, par contre, il faudrait monter un peu le son, si c'est possible. Alors moi, je ne peux pas monter le son, mais je peux essayer de parler plus fort. Ok, je te remercie. Bah, merci d'être avec nous ce soir. Donc qui es-tu, si tu peux te présenter un peu et tout ? Ben, moi, je m'appelle Nicolas, je suis un site et je suis à la CGT Éduc et au mouvement social. Ok. Et donc, tu participes au mouvement social à Toulouse contre la loi El Khomri. Donc, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui et les derniers jours là-bas, à Toulouse ? Ben, aujourd'hui, ce matin, on a fait à Eurocenter, qui est un point névralgique d'un point de vue économique sur Toulouse, on a fait un péage gratuit où on bloquait les camions, mais on laissait passer les voitures. Alors, on n'était pas très nombreux parce que c'était un peu loin et qu'aujourd'hui, la grève n'a pas été très suivie à Toulouse, donc on n'était qu'une quarantaine. Et après, moi, en tant que professeur des écoles, donc un site, on est passé dans les écoles toute la journée pour discuter avec les collègues qui n'étaient pas en grève, pour parler du mouvement, de la journée de samedi et de la journée d'après les vacances, parce que nous, on a les vacances qui commencent la semaine prochaine. Et là, on a été à une manifestation à 16h, une manifestation appelée par les jeunes. On était entre 5 et 600, on est parti en manif, ça s'est bien passé. Et à la fin, il y a une partie du cortège, je dirais 100, 200 personnes qui sont parties en manif sauvage. Et les autres personnes qui sont dispersées. Et là, il y a un rassemblement au Capitole auquel je vais pour Nuit Debout à 18h. Enfin, qui commençait à 18h, mais je suis un peu en retard. Ok, c'est-à-dire que le Capitole, donc, c'est une place très bourgeoise du centre-ville de Toulouse, quoi. C'est la place du centre-ville de Toulouse. C'est la place de la mairie, quoi. C'est la place centrale de Toulouse, symboliquement. Et du coup, vous aussi, vous avez une occupation de place à Toulouse, un peu comme à Paris, quoi. Exactement, il y a un appel à relayer ce qui se passe à Paris sur Nuit Debout. Je ne peux pas vous dire parce que j'étais en chemin là quand je vous ai appelé. Okay. Donc je ne peux pas vous dire encore si c'est très suivi ou pas, mais avec les infos, on saura. Ok, et du coup, nous, ce qu'on a entendu parler aussi, c'est qu'apparemment, il y aurait... Nous, ce qu'on voulait dire, notre point de vue dans cette émission, c'est qu'on ne prétend pas être objectif comme soi-disant les médias dominants et tout. Nous, clairement, on prend le parti de la lutte et du coup, de la lutte contre la loi travail. Et on pense que le meilleur moyen pour que cette loi ne passe pas et même aller au-delà de ce mouvement, c'est les blocages économiques et c'est les grèves. Et du coup, aujourd'hui, on a entendu parler qu'apparemment, vous avez bloqué l'autoroute à Toulouse. Alors justement, c'est quand nous on a bloqué, quand on a fait le péage gratuit à Eurocenter, là, on a empêché les camions de passer pendant un moment. D'accord. Donc de ce fait de bloquer les camions, au bout d'un moment, ça a bloqué aussi les voitures et ça a bloqué aussi l'autoroute. D'accord. Et du coup, comment ça s'organise ce type d'action ? Est-ce que c'est difficile à faire ? Si tu peux nous parler un peu, nous donner des conseils, quoi, qu'on reproduise un peu ce genre d'action. Franchement, nous on était très surpris parce qu'on s'attendait à être beaucoup plus nombreux. On n'était que 40, et donc à 40, on a bloqué un péage, enfin on a bloqué, on a fait un péage gratuit, donc on a levé des barrières, on a empêché les camions de passer, ça s'est très bien passé, personne n'a essayé de passer en force, les gendarmes sont venus, ils nous ont laissé faire, et ça s'est très bien passé. Donc on s'est dit qu'à 40, après on était sous l'emblème CGT, donc peut-être que ça peut aussi aider en termes d'image, mais en tout cas à 40, on a réussi à faire un péage gratuit sans aucun problème. D'accord. Et du coup, en fait, le fait de bloquer les camions, c'est-à-dire que c'est les camions de marchandises, donc c'est bloquer le flux de marchandises et s'attaquer du coup à l'économie du pays. C'est un centre névralgique, comme je disais, donc c'est des camions qui viennent se charger en nourriture, en matières premières pour aller alimenter les chantiers ou en nourriture pour alimenter les supermarchés. Donc quand on bloque cet endroit-là, on fait un réel blocage économique de Toulouse. Après, ça reste quand même assez marginal comparé au blocage économique qu'on pourrait faire s'il y avait réellement des grèves reconductibles qui se lançaient dans les entreprises. Et du coup, est-ce que tu peux nous dire un peu quels secteurs sont mobilisés sur Toulouse ? Moi, je suis enseignant, donc je peux vous dire que dans l'enseignement, on était déjà en mouvement avant la loi travail par rapport au manque de postes dans l'éducation. Donc on a rattaché nos revendications à la loi travail parce que c'est la même logique du gouvernement qui décide de favoriser les entreprises plutôt que d'aider l'éducation nationale. Donc on s'inscrit clairement dans ce mouvement-là. Après, dans les autres secteurs, il y a des AG qui se font, il y a des choses qui se font, mais il n'y a pas de secteur moteur de la grève reconductible actuellement. D'accord. Et du coup, ces assemblées qui se déroulent, c'est des assemblées étudiantes ou c'est interprofessionnel ? Alors, comment ça se passe ? C'est des assemblées générales. Dans les facs, c'est des assemblées générales étudiantes. Dans les lycées, c'est des AG de lycéens. Après, dans les boîtes, c'est des AG qui sont appelés par les syndicats. Et est-ce qu'il y a des assemblées générales interpro, interprofessionnelles aussi? Non, il n'y a pas encore d'assemblée générale interprofessionnelle parce qu'il n'y a pas encore vraiment de secteur en lutte. Nous, enseignants, on était en lutte avant, au mois de février, et encore là, ça a du mal à reprendre, même si le 31 mars, il y avait la moitié des enseignants du premier degré qui étaient en grève. On a du mal à l'âge de grève, il n'y avait pas beaucoup de monde, donc on va essayer de relancer, comme on a les vacances, je disais, la semaine prochaine, après les vacances. Je sais qu'il y avait les PTT qui faisaient une AG aussi, il y avait la SNCF qui faisait des AG, mais il n'y a pas d'AG interpro encore. D'accord. Et du coup, un peu sur la suite du mouvement, sur les perspectives, qu'est-ce qui est prévu aussi de votre côté? Moi, je veux parler au nom de la CGT. À la CGT, ce qui a été dit, c'est que c'était un mouvement qui s'inscrivait actuellement sur la durée et que là, ce qu'on appelait plus, c'était plus à s'organiser sur des lieux de lutte plutôt que d'appeler à des actions de journée de grève isolée qui allaient démobiliser les travailleurs, mais plutôt construire un gros mouvement, c'est-à-dire que les blocages économiques, c'est intéressant. Mais ce qui serait plus intéressant, c'est que ce soit les grèves, les travailleurs dans les entreprises qui se mettent en grève. Parce que aller bloquer les ronds-points devant Airbus ou aller bloquer les ronds-points de Eurocenter, ça va un temps, mais si on veut vraiment bloquer l'économie, il faut que ce soit des grèves reconductibles des travailleurs eux-mêmes. Donc c'est pour ça que là, la priorité, elle est sur l'auto-organisation dans les boîtes, de mouvements de grève dans les boîtes par les travailleurs eux-mêmes. Et ça, actuellement, je dois avouer que c'est pas gagné, mais on y travaille. Et est-ce que tu as l'impression qu'au niveau des directions syndicales, ça suit, ou même des fédérations, est-ce qu'il y a une volonté de justement d'encourager ce type de mouvement de grève reconductible? Actuellement, comme je dis, la grève reconductible, on parlait de manière un peu artificielle parce que les travailleurs ne sont pas dedans, je ne sais pas trop. Après, moi, au niveau confédéral, je n'ai pas trop suivi. Au niveau de Toulouse, je sais que les directions syndicales sont vraiment dans cette optique d'essayer de construire les mobilisations dans les boîtes en vue d'un gros mouvement. Mais c'est vrai que c'est un peu chiant de parler du mois de mai actuellement à cause des vacances. C'est un peu loin, mais on est vraiment contre le problème qu'actuellement, dans les boîtes, quand on parle avec les collègues et compagnie, ils sont pas si chauds que ça, quoi. Mais ils sont quand même contre la loi travail, mais en termes de mobilisation, c'est pas évident. D'accord. Mais il faut dire aussi qu'il y a eu une pétition qui a été signée par 1 million de personnes. Donc le fait de dire que les gens sont pas chauds, c'est pas tout à fait vrai non plus. Il y a une mobilisation énorme qui montre un ras-le-bol assez puissant. Après, est-ce qu'il y a eu quelque chose de la part des organisations syndicales ou du mouvement social pour répondre à ce ras-le-bol, quoi? C'est ce que je te dis, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. C'est l'analyse que certains camarades me disent, c'est que les travailleurs, ils parlent en effet, ils sont contre la loi travail, donc ils sont prêts à aller signer une pétition sur Internet, ils sont prêts à venir à une manif le samedi, mais parce qu'il y a des grèves en semaine, à part si c'est une grève ponctuelle comme le 31, ils sont moyen chauds. Après, la question d'une grève reconductible, nous, dans l'éducation, on pousse à la grève reconductible, on en parle avec des camarades, même de plusieurs syndicats, on travaille beaucoup avec Sud Éducation, et c'est vrai que les collègues, ils sont tièdes par rapport à ça, mais on pousse au maximum, mais c'est compliqué. Ok, c'est vrai, c'est important aussi le travail intersyndical, de dépasser les guerres de chapelle et de s'unir entre syndicats. Et du coup, c'est intéressant de voir que ce genre d'action se remet en place aujourd'hui. Et en fait, je voulais te dire, si tu veux rajouter quelque chose, une information qu'on n'aurait pas, que tu voudrais nous transmettre sur ce qui se passe de votre côté, quoi. Toulouse, je vous ai dit, il y a ce soir-là qui est appelé à Nuit Debout à Toulouse, donc s'il y a des auditeurs qui sont proches de Toulouse ou tout, qui écoutent, il faut venir à la place du Capitole maintenant pour essayer de mettre en place un rapport de force pour essayer d'y rester ce soir. Après, il y a la manif de samedi. Apparemment, la semaine prochaine, il y a les cheminots, ce que j'ai ouï dire, c'est les cheminots qui se partiraient mardi et mercredi en grève, donc à voir, et puis après, je sais pas, non, pas plus. Franchement, merci d'avoir été avec nous. Je crois aussi, si on veut se tenir un peu au courant de ce qui se passe à Toulouse, il y a un site internet qui s'appelle IATA, c'est ça? Je sais pas si tu connais. Oui, oui, si, je connais, oui. C'est ça le nom exactement, information de Toulouse. Anti-autoritaire, Toulouse et environ. D'accord. Et aux alentours, pardon. Ouais, je crois, il y a pas mal d'infos aussi. Bon, merci d'avoir été avec nous. Tu veux rajouter un dernier truc ou quoi? Non, merci pour la parole et puis bon courage. Retrouvons-nous dans la lutte. Ok, je te remercie, bon courage à vous. Merci. Du coup, Robinson, on peut peut-être passer un peu de musique et peut-être on va avoir un appel de quelqu'un qui est place de la République, on attend son appel et tout. Et ensuite, on sera avec les grévistes du Campanile Tour Eiffel, c'est au fond près du radiateur, 106.3 FM, fréquence Paris Pluriel, gardez l'écoute. Oui, bonsoir, on va vous présenter un morceau de Brève Error 404. Et la chanson s'intitule Bagarrer, feat, tiers-monde. Voilà, Ça, c'est bien. Arrête de croire que le monstre est sous ton lit. Tu ne vois pas qu'il est en train de sourire à ton miroir. Y'a jamais eu de paradis des gangsters. Oublie tout ce que t'as promis le mauvais faire. Va voir plutôt exploit. Oh, nous sommes riches de ce qui ne s'achète pas. Dis-toi que les bâtisseurs de leur villa ont sûrement fait sec pas. Il faut se bagarrer, bagarrer, bagarrer. Bagarrer, bagarrer, oh. Bagarrer, bagarrer, bagarrer. Bagarrer, bagarrer, oh. Bagarrer, bagarrer, bagarrer. Bagarrer, bagarrer, oh. Bagarrer, bagarrer, bagarrer. Bagarrer, bagarrer, bagarrer, oh. Être solitaire, c'est parfois salutaire. Peut-être bien que c'est finalement nos cœurs de pierre. Qui allumeront l'espoir. Hello. Tu travailles toute ta vie pour être pauvre. Pendant que tes gosses ingrats ils cravent la côte. Par ta jonquera. Tu dois te bagarrer, bagarrer, bagarrer. Bagarrer, bagarrer, oh. Bagarrer, bagarrer, bagarrer. Bagarre, bagarre, oh. Bagarre, bagarre, bagarre. Bagarre, bagarre, oh. Bagarre, bagarre, bagarre, bagarre, bagarre, bagarre, oh. Il faut se bagarrer, bagarrer dans mon bloc, y'a pas longtemps. Soldat de l'humanité, en vérité, j'ai choisi mon camp. J'ai perdu du temps, des poteaux, des proches et des montants. Première occasion, ton président prend pour un orang-outan. C'est quoi le tarot? Ma génération saigne mais ne veut pas de garrot. Toujours plus de haine gros, toujours plus de paro. Quand Jésus fait la croix, tu penses qu'il fait le charron. Charron. Hardcore, faut se bagarrer pour nos atouts. Donc on se tape d'abord, on réfléchit après. Au pire, on remettra 2-3 coups. Bloqué comme aurait sa négringe. Gros pif, grosse lèvre, c'est comme ça qu'on me distingue. Sénégal, TKR, c'est rappel et mandingue. Quand l'argent part, la plupart deviennent bilingues. Ils hommes font la paix, mais 90 flingues. C'était chaud pour sous l'eau le 13 novembre 2015. Je suis un lion royal, car ici c'est la jungle. Je descends de mon ghetto, t'as qu'à descendre du singe. Molo polo. On doit se bagarrer, bagarrer, oh. On doit se bagarrer. Tu dois te bagarrer, bagarrer, bagarrer. Bagarrer, bagarrer, oh. Bagarre, bagarre, bagarre, bagarre, bagarre, oh. Bagarre, bagarre, bagarre, bagarre, bagarre, oh. Bagarre, bagarre, bagarre, bagarre, bagarre, bagarre, c'était donc un morceau de Brave sur l'album Error 404, ça s'appelle Bagarré avec Tiers-Monde. Vous êtes sur Fréquence Paris Pluriel. Du coup, on voulait encore continuer à parler un peu du mouvement contre la loi El Khomri et ce qui s'est passé notamment en région parisienne, à Paris et en banlieue. Notamment pour dire que cette semaine, donc, on a vu les nouveaux trucs qui sont passés, c'est-à-dire qu'il y a eu l'occupation de la place de la République, Nuit Debout. Il y a des assemblées vraiment, générales vraiment très nombreuses, 1000-2000 personnes comme ça. Vous en avez sûrement entendu parler vu que ça passe un peu partout dans les médias, et n'hésitez pas à passer là-bas. Il y a donc c'est 24 sur 24 à République. Aussi pour dire, donc il y a eu des assemblées générales interprofessionnelles qui commencent à s'organiser. Il y en a eu une au Blanc-Mesnil à Aubervilliers, il y en a eu à Saint-Denis. Du coup, c'est important que les gens se structurent localement. Il y a une grève aussi des grévistes qui partent en grève un peu partout. Donc notamment à Aubervilliers, il y a un Franprix aussi qui est parti en grève. On est avec les grévistes du Campanile Tour Eiffel. Il y a la SNCF qui part en grève aussi, à la Poste aussi. Donc voilà, pour l'instant, ce n'est pas non plus des grèves reconductibles massives qui permettraient de faire plier le gouvernement et le MEDEF. Mais voilà, il y a des choses qui se mettent en place. Toujours la mobilisation dans les universités et dans les lycées. Pour dire aussi, il y a une grosse répression en face, donc au niveau de la police. Justement, il y a un groupe de défense collective qui est en contact avec des avocats qui s'est monté. Et si vous avez des soucis, si vous vous faites arrêter, souvent, ce qu'essaye de faire la police ou la justice, c'est de vous faire passer directement devant un juge. Ça s'appelle la comparution immédiate. Il faut savoir qu'on a le droit de refuser et que c'est important de refuser pour pouvoir préparer sa défense collective, sa défense. Et souvent, les jugements expéditifs comme ça, c'est là où on va prendre soit de la prison, soit du sursis, soit des amendes où on va être chargé parce qu'on n'a pas le temps de préparer sa défense avec un avocat. Donc, si vous voulez contacter aussi ce groupe de défense collective, il y a un numéro de téléphone. Donc, c'est la Legal Team 07 53 82 19 10. Donc, le numéro du groupe de défense collective 07 53 82 19 10. Donc, on ne sait jamais. Hein, on espère que voilà, il y aura pas de soucis et tout ça. Mais au cas où, il y a ce numéro qui permet à tous d'avoir accès à un avocat et de faire valoir ses droits, quoi. Je crois... Rob et Mustapha voulaient un peu réagir sur rajouter de quelques trucs, quoi. Pour bien parler de l'état des lieux et puis surtout la prochaine mobilisation ce samedi, donc 9 avril, donc 14h, République. Voilà, c'est important de le préciser, quand même la lutte continue, le rapport de force est là, et puis voilà, ça va finir par devenir un paradis, notre France, notre belle France. Inch'Allah. Voilà, ok. et juste aussi, pour rappeler, il y a une action qui s'est montée. Donc, il y a un rendez-vous jeudi prochain à midi. Ça sera devant l'entreprise de Pierre Gattaz. Donc, Pierre Gattaz, c'est le patron du MEDEF, donc le patron des patrons, quoi. Et du coup, son entreprise qui s'appelle Radial, qui se trouve au centre commercial du Millénaire, il y a un rassemblement là-bas, voilà, à midi, ça sera jeudi prochain. Notamment, voilà, il y a pas mal d'actions comme ça qui se mettent en place. Et vous pouvez vous tenir au courant aussi sur le site Paris Lutte Info, donc où il y a pas mal d'informations comme ça. Il y a aussi Démosphère qui regroupe un peu toutes les manifestations sur Paris et la région parisienne. Donc sur Internet, vous pouvez vous tenir au courant comme ça. Mustapha, tu voulais rajouter un truc un peu aussi ? Bah, je suis passé un petit peu sur République, tout ça, rapport à Nuit Debout, tu vois. T'as pas mal de Nuit Debout qui sont montées à droite et à gauche, que ce soit à Calais ou au sud ou à Strasbourg ou à Paris. Et t'as un climat qui est assez bizarre, en fait. T'as, bah, comme le présentait le syndicaliste de tout à l'heure sur Toulouse, en fait. T'as des gens qui sont chauds pour faire quelque chose, mais sans être chauds vraiment. Il y a des gens qui sont un petit peu frustrés. A priori, peut-être que si on dépassait le cadre de l'objectif de la loi El Khomri, que ce serait peut-être un objectif plus large et plus profond pour changer la société et la vie des gens, quoi. Peut-être que ça prendrait plus... Peut-être qu'il y aurait des salariés qui auraient envie de faire vraiment des actions de blocage. Peut-être qu'il y aurait des SDF ou des gens très pauvres qui sont cloîtrés chez eux en général, qui n'osent même pas sortir ou qui sont déconnectés de la société ou quoi, bah, qui ne se sentiraient pas en marge de ce qui se passe actuellement et qui auraient envie d'y participer aussi également. Et du coup, ça crée un climat assez bizarre. Même la Nuit Debout de République, quoi, c'est... Je sais pas, il y a quelque part, il y a un reflet de ce qui s'est passé en 2010, tout ça, 2011, par rapport aux indignés, quand il y a eu notamment l'occupation de la Défense et de Belleville, tout ça. Un petit peu plus, parce que tu as quand même des orgas comme le DAL, le FAKIR, tout ça, qui sont derrière, qui ont déposé en préfecture et tout. Tu as eu le fameux Lordon, l'économiste, qui est venu intervenir. Ça fait un petit peu bisounours, mais... En même temps, tu sens qu'il y a un sentiment dans l'air chez des gens, quoi. Et notamment des gens lambda qui n'ont pas forcément un parcours militant ou un parcours politique ou un parcours syndical ou autre, qui ont envie de faire des choses mais qui ne savent pas comment les faire et qui sont en rupture en général avec le monde salarié. Après, peut-être que si le mouvement étudiant prend les choses en main ou essaie d'aller plus loin, peut-être que d'autres suivront aussi, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est assez bizarre ce qui se passe à République ce qui se passe dans le cadre de Nuit Debout, et puis ce qui se passe aussi en général dans le cadre des luttes actuelles sur la loi El Khomri, enfin, je trouve. Après, t'as comme la lutte des dames qui sont là aujourd'hui sur Campanile, qui ont débuté le 18 mars, donc en parallèle de ce qui se passe avec la loi El Khomri, et qui, je suppose, ont un mot à dire sur la loi El Khomri également. Oui, donc au Campanile Tour Eiffel, on sera aussi à la manif de samedi, bien évidemment. Et je voudrais dire à toutes les personnes qui grèvent en ce moment de ne pas hésiter, dans les revendications, à ajouter le retrait du projet de la loi El Khomri. Donc même si ça fait rire notre patron, donc, qui est actuellement le groupe chinois Xinjiang International. Donc il ne faut pas oublier que même si on était racheté par les Chinois, on n'est pas en Chine. Et même en chinois, la France se traduit en terre et pays des droits. Donc, on est en France, on se bat, on lutte, le combat continue. Et donc, le patron, il peut effectivement faire remonter l'information au MEDEF hein, pour dire qu'il y a des grévistes dans la société et faire en sorte de bouger les choses. Donc, n'hésitez pas dans les revendications, comme nous, on a fait d'ailleurs. Donc, dans nos revendications, il y a le retrait de la loi El Khomri. Ok, du coup, on va faire une petite pause musicale et tout de suite après, on va attaquer le vif du sujet et parler bien de votre grève qui dure depuis le 18 mars. Et du coup, c'est une grève ultra majoritaire. Vous êtes 14 grévistes, c'est ça ? Sur 15 ? C'est 13 sur 14. 13 sur 14. Actuellement, il n'y a que la directrice qui travaille. Donc voilà, franchement, bravo à vous. Et on en parle tout de suite après une pause musicale. C'est au fond près du radiateur. Vous êtes sur Fréquence Paris Pluriel, 106.3 FM. Gardez l'écoute. Ouais, on va s'écouter, Raphaël. Et pour tous nos auditeurs, une belle musique bien percutante d'un DJ là, électro. C'est un Lyonnais. Il s'appelle Danger. Et le titre, c'est 1.42. C'est parti. We'll be right back. toujours au fond près du radiateur 106.3 FM, tous les mardis soirs de 19h à 20h30. Vous venez d'écouter Danger, et le titre c'est 1-42, c'est un lyonnais, voilà. Allez, Raphaël, à toi. Donc voilà, ce soir on a le plaisir de recevoir Monia et Ourda, qui sont grévistes au Campanile Tour Eiffel. Donc merci encore d'être là ce soir, merci, ça fait plaisir. Et du coup, ça nous paraît important de vous donner directement la parole ici sur Fréquence Paris Pluriel. Votre grève a commencé le 18 mars. Et qu'est-ce qui a déclenché cette grève, si vous pouvez nous en parler un petit peu, quoi? Oui, bien sûr. Donc, on a essayé toujours de passer par le dialogue avec la direction. Donc, on a fait appel à avec notre délégué du personnel. Hein. On a eu justement des réunions au préalable, des réunions aussi avec la société STN qui s'occupe du nettoyage des chambres et qui est c'est sous-traitant de Louvre-Hôtel. Et malgré ces réunions, avec des points bien précis et qui sont nos revendications, donc pas de dialogue, la direction est rapportée toujours à différentes dates qui n'étaient jamais respectées. Ce problème-là, qui sont tout à fait légitimes, parce qu'il s'avère qu'à partir du 1er janvier 2016, on fait partie du CE Louvre-Hôtel. Donc l'hôtel Campanile Tour Eiffel, on rappelle, c'est une société indépendante, mais filiale 100% du groupe Louvre-Hôtel. Donc on rentre dans le CE et ils nous appellent le 13e mois. Donc il y a d'autres hôtels qui sont considérés gros porteurs, mais même nous, avec 76 chambres en plein cœur de Paris auprès de la Tour Eiffel, même si notre masse salariale, donc on est 7 salariés du Campanile, plus 6 personnes de sous-traitants pour la société STN, qui font partie quand même intégrante de notre unité, on fournit à l'année des millions d'euros, donc qui sont des bénéfices qui vont au directeur, au responsable régional, qui vont aux dirigeants et aux investisseurs. Donc, pour les salariés, pas de prime d'intéressement ou de fin d'année. Donc, voilà, on nous récompense avec des chèques cadeaux de l'ordre de 50 euros. C'est gentil. Et quand on a des chiffres et quand on a les qualités par rapport aux visites mystères, aux visites hygiènes et les budgets atteints, c'est bravo, merci. Mais voilà, à la fin de l'année, un ticket cadeau pour 50 euros, merci. Donc on comprend bien que les primes exceptionnelles qui sont données qu'est à la direction pour le travail que nous on fournit, c'est un travail d'équipe et on estime bien qu'à partir de là, il y a eu des abus. Donc notamment, il y a 2 salariés en temps partiel qui ont travaillé des heures et des heures et des heures supplémentaires et qui ont droit à être intégrés en temps complet. Donc même là-dessus, il y a eu un premier protocole de la part du groupe Louvre-Hôtel qui disait « Pour la santé de l'entreprise, on va voir ». On va voir quoi ? Si on a fait appel à des heures supplémentaires, c'est qu'on avait besoin, on était en sous-effectif. Donc voilà, ils font des économies sur nos salaires. Voilà, pour ne pas parler des salaires qui ne bougent pas et des primes quadrimestrielles qui sont complètement dérisoires. Hein. Vous imaginez, à la fin de l'année, avec les millions d'euros de bénéfices, on ne gagne même pas 100 euros bruts si on cumule les 43 bruts par quadrimestre. Donc ça ne fait pas grand-chose. Et donc, voilà. Donc c'est vraiment... C'est de l'exploitation. Ouais, ouais, c'est de l'exploitation, bien sûr. Et c'est vraiment, on va dire, une offense à notre professionnalisme, parce qu'on est des professionnels et ça on l'oublie assez souvent. Donc il y a des écarts par rapport au salaire de la direction et des autres, on va dire, qui occupent les places au siège par rapport au personnel qui au quotidien est là. Vraiment, au bout d'un moment, vous pouvez pas faire face même aux plaintes des clients, aux insultes, parce que vous imaginez des chambres qui sont vendues jusqu'à 250 euros Voilà, nous, c'est notre quotidien. C'est-à-dire, on se fait quand les chambres, ils attendent ce prix-là. Et c'est le cas de l'Hérault. Hein. Nous, on a dit, voilà, si c'est le cas, on grève jusqu'à l'Hérault. Parce que c'est là que... L'Hérault de foot, là. Justement. Ouais. En juin, c'est ça ? En juin, oui, ouais. S'il le faut. Donc, on répète ça parce que, voilà, il faut arrêter un peu de forcer là-dessus. D'augmenter sans arrêt le prix des chambres et voilà, de ne pas s'en occuper. Voilà. Donc, c'est un peu ça nos revendications. Revoir aussi la prime d'habillage, qu'à l'heure actuelle, c'est de 50 euros à l'année. Donc, la prime d'habillage, c'est-à-dire, c'est pour compenser le temps que tu passes au vestiaire quand tu arrives le matin. Tu mets genre. Et le nettoyage aussi, nettoyage, on repasse, etc. Donc, c'est ça. Chez toi, ouais, quand tu repasses ton uniforme et tout ça. Ouais. Donc, 50 euros à l'année, voilà. Ouais. De revoir ça. Bon. Parce que tu y passes limite une heure par jour, quoi. Ah ben oui, hein, donc on a tous des tenues au travail. Donc, tout, ouais. Et ça coûte hein, de l'argent. Donc, voilà. Ok. Et pour dire un peu, par exemple, pour parler plus en détail du travail que vous faites, toi, Monia, quel poste t'occupes justement ? Eh ben moi, je suis sous-directrice. Donc, ouais. Voilà. Donc, mon travail, c'est travail de directeur. Okay. Parce que, voilà, je suis responsable. En tant que responsable, je m'occupe de tout à côté de l'adjoint, le premier adjoint qui est délégué du personnel, avec une équipe de équipiers polyvalents, de veilleurs de nuit. Donc, voilà, il faut imaginer que c'est un hôtel qui tourne tout au long et qui a 90% de taux d'occupation dans l'année. Donc, on ne chôme pas. On est tout le temps sollicité. C'est un travail qu'on fait vraiment, et je souligne, avec professionnalisme. Donc, il faut voir les commentaires des clients sur TripAdvisor, par exemple, par rapport à notre équipe, qui compense le travail qui n'est pas fait au niveau de la maintenance, par exemple, de notre hôtel. Et donc voilà, et après bon, il y a aussi la société justement de nettoyage qui s'occupe de la propriété et qui travaille assez durement, voilà, pour ne pas avoir les mêmes conditions de travail que nous, malgré la charte signée justement par l'ouvre-hôtel pour le respect des heures de travail, pour être payé hein, le temps supplémentaire, mais non, mais tout ça, ce n'est pas respecté. Même les jours fériés, ils ne sont pas récupérés 100%. Donc, il y a des choses qui ne vont pas dans le bon sens. Et vous imaginez, donc après, je laisse la parole à Audia, parce que justement, elle représente les femmes de chambre et le travail qui est dur hein, donc, à fournir. On a des départs tous les jours. Vas-y, je t'en prie. Oui, et donc je laisse parler Ourdia pour les détails. Je faisais signe à Mustapha parce que je crois qu'il avait une question aussi. Oui. Bah, en fait, c'était exactement la même transition qu'allait faire Monia. Je voulais parler parce qu'il y a les salariés directs du campanile qui sont en grève, qui sont en lutte par rapport à des revendications sociales et autres. Mais l'hôtel utilise aussi une boîte de sous-traitance pour traiter le ménage. Donc c'est des femmes de ménage en général qui sont là, qui sont présentes, mais qui sont extérieures à la boîte, donc pas salariés directs. Et qui ont une espèce de challenge, c'est les Jeux Olympiques du ménage, en fait. Donc, ils doivent mettre maximum 13 minutes 30 pour faire une chambre. Donc, nettoyer les interrupteurs, nettoyer les vitres de la chambre, refaire le bac à douche, les carreaux du carrelage de la douche ou de la baignoire, le lavabo, les lampes, le bureau, la table de chevet, le téléviseur et autres. Et tout ça en 13 minutes 30 maximum. Wardia, tu veux nous en parler ? Ouais, vas-y, c'est pour toi la parole. Hein. Donc toi, en fait, c'est comme tu disais, vous êtes 13 salariés là-bas. En fait, il y en a 7 qui sont employés par Compagnie et l'ouvre-hôtel et 6 qui sont, dont toi, Ourdia, vous êtes femme de chambre et ouais. Vous faites partie de la société STN. STN, ouais. Donc vous faites partie de la grève aussi. Quelles sont les revendications justement voilà. Pour toutes celles qui travaillent pour STN ? Ah, je t'en prie, vas-y. Hein. Du coup, nous, ça nous paraît important aussi, votre combat, parce que vous êtes, vous êtes unis pour rassembler tout le collectif des gens qui travaillent ensemble. Quoi. C'est-à-dire que sous-traitant, pas sous-traitant, vous êtes ensemble, il faut les mêmes droits. Ça, c'est important et c'est rare aussi comme combat. Donc on vous félicite là-dessus. Et en fait, en passant là-bas à l'hôtel, il y avait des collègues à vous qui racontaient aussi que normalement vous êtes payé à l'heure, il me semble. Ouais. Et en réalité, ça se passe différemment, quoi. Ouais. En fait, ne travaille plus, ne gagne pas plus. Je travaille, pour moi, je travaille 5 heures par jour. J'ai fait 20 chambres tous les jours. Des fois, quand il n'y en a pas beaucoup de travail, j'ai fait 16, le contrat de 4 heures. Mais je finis pas jusqu'à quand je rentre à 9h30. J'ai fini des fois à 16h, 17h. Je finis pas à 5 heures qui m'a payé. Oui, parce que c'est... Bon, ouais, vas-y, je t'en prie. Mes collègues aussi, c'est pareil. En fait, pour moi aussi, j'ai fait la gouvernante. J'ai contrôlé des chambres. La gouvernante, quand elle est là au repos, je remplace la gouvernante. Quand elle est là, la gouvernante, c'est moi qui fais les chambres. Ouais, t'es polyvalente en gros, mais il n'y a pas le salaire qui suit derrière. Voilà. Oui, mais il faut dire aussi les revendications, justement, par la STN, c'est la revalorisation, parce qu'ils sont considérés gouvernantes, mais ils ont le statut de première femme de chambre. Voilà. Par exemple, au niveau des échelons et des niveaux échelons, ça ne suit pas. Et il y a ça aussi dans les revendications. Donc, et après, avoir le remboursement 100% aussi du titre de transport, tous les avantages dont on bénéficie. Donc, on avait demandé la réintégration, justement, de la société au niveau de l'hôtel Campanile Tour Eiffel. Mais au moins, l'égalité par les conditions de travail, c'est basique. C'est-à-dire, nos revendications, c'est vraiment basique. C'est la base. Et on ne demande pas la lune, on demande justement d'appliquer la loi. Parce qu'en ce moment, par exemple, la directrice, elle se fait aider par des autres directeurs, des autres établissements. Ils ont inventé le bénévolat par rapport à ça. Donc, quand vous allez vous présenter à la réception le matin, on vous dit « Voilà, je m'appelle Jimmy, je suis directeur bénévole de l'unité US Louvre-Hôtel. » C'est la grève, en fait, ils ont fait... des collègues directeurs, voilà, ça, ou sous-directeurs, tout à fait, ou autre. Dans la journée et dans la nuit, pour remplacer le veilleur de nuit, ils appellent des gars de la sécurité qui n'ont rien à faire là et qui sont, voilà, ils s'occupent de tout. Et on a vu aussi le plombier qui s'occupe aussi de ranger les poubelles, etc. Donc, voilà, ils s'organisent comme ça, hein, de manière illégale. Voilà. Ce qu'on a vu dans beaucoup de boîtes, en fait. Il y a plein de boîtes où ils s'amusent à casser les grèves en essayant de s'ingénier à trouver de nouveaux postes ou bénévoles ou autre. Et ils disent que les gens sont bénévoles, donc ils viendraient sur leur temps libre pour travailler. Tout à fait, sur leurs jours de repos, hein, ils confirment bien. Hein, que c'est vraiment ça qui se passe ou en fait, non, tu penses qu'ils sont payés? Non, mais on le sait, en... c'est foutage de gueule. Ouais. Donc ça, on le sait aussi. Ils transfèrent, par exemple, les appels du standard à la réservation centrale. Donc ça aussi pour ne pas s'en occuper. Donc ils font tout en sorte de nous casser notre mouvement. Et durant votre grève, comment vous organisez par exemple pour faire... On fait des permanences. Là, à l'heure actuelle, il y a mes collègues qui sont en permanence à l'hôtel. Jusqu'à quand, voilà. Mais au-delà des permanences, que je voulais savoir, c'est parce que j'imagine que vous avez un loyer à payer ou que vous avez de la nourriture à acheter ou ce genre de trucs. Comment vous organisez face à ces problèmes? Ben, on s'organise, hein, on a une caisse commune entre nous et donc on fait face à ça, voilà, pour aider justement les collègues qui sont en difficulté. Voilà. Parce que toi, Ourdia, tout à l'heure, tu disais que en fait, tu fais de 9h30 jusqu'à 17h des fois. Ouais. Donc ça fait 8 heures de travail voilà, par jour, mais en réalité, tu es payé 5 heures. Voilà. Et du coup, toi, tu as un temps partiel en réalité. Voilà. Toi, tu as un contrat de combien d'heures par semaine? 5 heures par jour, mon maman. Ouais. Mais des fois, j'y reste jusqu'à 17h, 18h. Ouais, quand j'ai fait la gouvernante, j'ai fait jusqu'à 17h, 18h. Je ne laisse pas les femmes des chambres jusqu'à il va finir. Ouais. Je partirai avec eux. Et ces heures, elles sont pas payées. Ils payent le contrat de 5 heures. Ouais. J'imagine que tu continues de travailler parce que bien sûr, tu sais que je ne laisse pas les femmes des chambres. Elle n'est pas finie, moi je pars. Il n'y a pas de droit. Et puis j'imagine que le fait qu'il y ait un chômage important ne te donne pas trop le choix non plus de dire j'arrête ce boulot et je vais trouver un autre nom. C'est pas possible. En plus, à la fin, il m'a envoyé encore tous les jours, les jours de repos, il laisse pas tranquille pour nous. Les jours de repos. À 22h le soir, il m'a appelé, il a dit demain, tu vas partir à l'Argentine. Mais moi, c'est les jours de repos. Les jours de repos, on va prendre les jours, parce que nous prendre les rendez-vous pour nous. Les jours de repos. Il t'appelle pour travailler sur ton jour de repos. En plus, à 22h le soir, demain matin, je vais partir à l'Argentine. À quelle heure je vais partir à l'Argentine? Il est loin. Moi j'ai, voilà. Moi, j'ai habité à côté de l'hôtel Eiffel. Je partais jusqu'à Argenteuil. Ça fait 2 heures de vol avec le train. Ouais. Ça, c'est la clause de mobilité aussi. Oui, oui. On a demandé de la retirer justement parce qu'ils sont affectés à Tour Eiffel. Il faut qu'ils restent à Tour Eiffel. Et en plus, les airs, ils ne sont pas respectés. Ça, on a vu. On a mis une pointeuse en place, mais on imagine que c'est une fausse pointeuse. Donc, il y a ça aussi. Donc, dans les revendications, justement, c'est le respect de tout ça, parce que pour l'instant c'est pas respecté en fait. C'est-à-dire que si tu pointes le matin, t'arrives à 9h30, tu pointes, tu pars le soir, tu dépointes à 17h, mais ils te font croire que tes heures sont prises en compte alors que c'est finalement pas... ils sont pas payés. Et on a aussi demandé, parce que pour les titres de transport, il y a des salariés d'Esten qui n'étaient pas remboursés du tout. Donc, il y a plein d'anomalies sur les fiches de paye, donc il faut que ça s'arrête. J'imagine que certains employés en ont déjà référé à une inspection du travail ou autre. Tout à fait, donc l'inspection de travail est déjà débarquée, il a constaté. Il y a un premier procès pour Louvre-Hôtel le 13 avril qui va se passer au tribunal de grande instance de Nanterre. Et il y a aussi des affaires au Prud'homme, notamment pour la société Esten et pour Louvre-Hôtel aussi pour nos salariés. D'accord, et j'imagine qu'il a mis en demeure l'employeur de régler les heures. Ou... Ah ben oui, hein. tout. À partir de son constat. Ah oui, la régularisation. Mais du coup, c'est ça qui est marrant, parce que quand on parlait tout à l'heure de l'atmosphère qu'il y a dans l'air ou quoi, par rapport à des gens, c'est t'as des gens qui, dans leur quotidien, en fait, notamment dans le privé, que ce soit dans ce qu'on appelle technicien de surface, en fait, dans le ménage, ou que ce soit dans la livraison, ou que ce soit dans la plonge pour des restos ou autre, t'as pas mal de gens, en fait, qui font pas mal d'heures, des volumes horaires super importants, pour un salaire de misère, et qui sont dans l'incapacité de se mettre en grève parce qu'il y a beaucoup de difficultés dans l'entreprise, soit parce qu'ils ne sont pas en règle au niveau des papiers ou autre, soit parce que c'est le seul job qu'ils ont et que s'ils le refusent ou s'ils claquent la porte, bah, ils auront du mal à trouver un autre job et en attendant, il faut payer le loyer et la bouffe. Et du coup, tu as vraiment l'impression que dans l'atmosphère, il y a ok, la loi El Khomri, ok, tout ça, il faut lutter, ok. Mais il y a des problèmes beaucoup plus profonds qu'on n'arrive pas à régler. Il faudrait peut-être aller au-delà de la loi El Khomri. Et peut-être à ce que les salariés, que ce soit des raffineries ou n'importe où, fassent des actions de blocage, qu'on bloque les mines, les marchés internationaux, qu'on bloque les raffineries, qu'on bloque pas mal de choses, et pas juste pour la loi El Khomri, quoi, pour remettre en cause le système économique dans lequel on vit et la façon dont est organisé le travail, qui est intolérable pour une bonne partie de la population, en fait. Et c'est ça, c'est que vous, ils vous font travailler d'une manière qui est complètement illégale, c'est-à-dire que toi, ils te font travailler 3 heures gratuitement par jour, par exemple, et en fait, ça, c'est illégal aujourd'hui, heureusement, tant mieux que c'est illégal, ils le font, mais c'est illégal. Donc si vous attaquez au tribunal, comme tu disais, j'espère que vous allez gagner et qu'ils vont perdre un maximum d'argent par rapport à ça. Mais en fait, avec cette loi, la loi El Khomri, la loi travail, là, tout ça, ça va être légalisé en réalité. C'est-à-dire que, comme tu disais, qu'ils t'appellent à 22h le soir pour dire demain, alors que tu es censé être en congé, viens travailler. Donc toi, tu sais pas, tu as peut-être prévu de faire quelque chose avec tes enfants ou des choses comme ça. En plus, c'est mes jours de repos. Ou ta famille, tes amis. Ouais, sur les jours de repos. Oui, justement, à cause de ça, il est fâché. Il m'a envoyé le courrier. Il a dit, tu vas partir à partir du 21. Le 21, le mars, tu vas partir aujourd'hui. Tu vas travailler tous les jours là-bas. Tu veux pas. Oui, après, c'est les menaces. Forcément, on s'en prend aux femmes. Voilà, c'est comme ça, directement. Voilà. Pourquoi ? À cause de les jours qui m'a appelé pour je travailler, c'est mes jours de repos. Il n'y a pas le droit. Mais comme le disait Raphaël, en fait, c'est illégal. Mais du coup, dans le cadre de la loi, ça peut devenir légal. Mais de fait, en fait, tu as des pratiques illégales qui sont au quotidien et pas depuis 2 ans ou 3 ans ou 5 ans. Ça remonte à plus de 15. Enfin, depuis que le chômage est né avec une quantité importante, en fait, c'est un bon outil de pression. Et on a ces pratiques-là qui sont au quotidien, malgré les jugements des tribunaux ou autres. Petit à petit, le code du travail, il se dégrade. On l'a vu, là, tu peux licencier des gens sans que ça passe par un tribunal. Alors qu'il y a 15 ans, ça passait par un tribunal, en fait. Et petit à petit, c'est émietté. Moi, je redis encore, loi El Khomri ou pas, en fait, je pense qu'il faut aller plus loin que la loi El Khomri ou s'arrêter à ça, quoi. Ben là-dessus, je propose, on va faire une petite pause musicale et on va continuer à discuter juste après. On est avec les grévistes, on est avec Monia et Hourdia qui sont grévistes à l'hôtel Campanile Tour Eiffel. Donc restez à l'écoute, c'est Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM. Un peu de musique. Est-ce que ce monde est sérieux ? Est-ce que ce monde est sérieux ? Est-ce que ce monde est sérieux ? Est-ce que ce monde est sérieux ? Est-ce que c'est celui que tu veux ?

Et donc, au quotidien, on vit comme ça, donc en manière très, on va dire, calme. Même le huissier de justice qui est appelé assez souvent parce qu'on reçoit justement les camarades du syndicat qui viennent nous soutenir, notamment du 15e. Et voilà, et ça dérange la direction qui menace l'autre jour d'appeler la police, je ne sais pas quoi. Donc nous, voilà, on est sur place à partir du 9h, on ne dérange même pas la salle du petit déjeuner qui se termine à cette heure-là. Donc, on respecte vraiment les lieux, les personnes. Et, mais je crois que par rapport à tout ce qui se passe, donc on va peut-être devenir un peu plus... on va passer de manière un peu plus fort pour se faire entendre. Du coup, en fait, comme tu le disais, ça nuit à la direction qui est ultra gênée par la grève. Mais c'est pas la seule direction. Tu as aussi la direction de la société qui emploie les femmes de ménage, en l'occurrence. Et Wardia, tout à l'heure en off, tu nous en parlais vite fait, donc tu peux t'approcher du micro et te lâcher. À partir du moment où vous êtes organisé en syndicat, a priori, tu aurais reçu... c'est juste Wardia qui reçoit un coup de téléphone, donc vous inquiétez pas, c'est pas un nouveau son lancé par Robinson, c'est juste la musique du téléphone. Et du coup, Wardia, tu nous parlais des coups de pression que vous avez reçus quand vous avez commencé à vous organiser en syndicat. Et a priori, la direction de la société, tu peux même nous rappeler le nom de la société déjà. Tu peux même nommer le responsable. Ouais. Tu peux même nommer le responsable ou le patron qui nous a mis un coup de pression, grosso modo, par rapport à votre volonté de vous organiser en syndicat. Tu peux parler ? Oui, bien sûr. Du coup, tu m'expliquais qu'en fait, à partir du moment où vous avez posé une structure syndicale, vous avez montré votre volonté de vous organiser et de vous plaindre par rapport à la mobilité. Oui, le premier jour que j'ai fait, je demande pour le syndicat. Après, il m'a téléphoné, le directeur de la société, il m'a insulté au téléphone. Pourquoi j'ai pris le syndicat? Mais j'ai dit, monsieur, c'est pas moi jusqu'à moi qui prends le syndicat. Ne prends toutes les femmes des chambres. Avec la gouvernante. Du coup, le directeur de la société STN, qui fait de la sous-traitance dans des hôtels de grande classe ou de moyenne classe, comme le Campanile de Tour Eiffel, se permet d'insulter ses employés quand ils s'organisent en syndicat. Oui, tout à fait. Tu peux nous en dire un mot, Monia ? Ben oui, parce qu'on a vu le premier jour de grève, donc tous les patrons ont débarqué, même la responsable de la société, avoir un ton un peu ironique, essayer de prendre les personnes comme ça en individuel, dehors, les menaçant, que c'était pas bien ce qu'ils faisaient. Ben, de toute manière, même chez nous, quand on se syndique, ça plaît pas du tout. Donc on a vu déjà ça par rapport à la direction et tout ça. Donc ils n'aiment pas. Et forcément, ils essayent de casser l'équipe, de la diviser, de corrompre l'équipe en individuel avec des promesses sous l'évolution, des postes, etc. Mais ben non, mais non. Ça ne se passe pas comme ça. Donc, on est tous unis, tous ensemble, et donc pour les mêmes revendications. Et voilà, on est là jusqu'à quand il faut, mais on ne va pas céder. Et j'ai la preuve sous mes yeux parce qu'il y a les accords qui étaient signés à l'année 2007, justement pour des autres groupes. Pour le même groupe Louvre-Hôtel avec le Campanile et première classe de Sorène, Campanile Roissy, Campanile Bagnolet et le CA de Prestige à Roissy, donc ils ont obtenu gagne-cause. Donc nous on sait qu'on va gagner, mais voilà, ils prennent juste du temps pour nous dire voilà, on est là, on a l'argent qu'il faut, on le dépense avec les amendes qui vont se payer, qui vont payer même au tribunal avec tout ce qui se passe. Mais voilà, ils ne veulent pas céder et ça ne les plaît pas non plus que le syndicat fasse un protocole voilà, pour avancer les négociations. Donc ils essayent toujours, on va dire, de nous fatiguer, mais on n'est pas fatigué du tout, on est très motivés d'ailleurs. Donc ils attendent peut-être que quelque chose bouge dans leur sens pour toujours faire des économies. Peut-être qu'ils attendent que la loi Khomri passe. Passe, hein, on ne sait pas. Bon, donc nous on est là, hein, on ne démord pas. Voilà. En tout cas, on vous soutient. Ils ne sont pas fatigués. Et on n'est pas fatigués. On est très enragés, très en colère. Bon. Et on est là. On a vu la pêche qui vous aminait et on a vu aussi la solidarité qui se perd en fait entre deux sociétés totalement différentes. Ouais, et tout à fait. Qui mènent la lutte sur le même lieu. Et justement, moi je voulais dire, il y a eu une grève au Campanile à Suresnes, il me semble. Oui. C'est dans l'ouest de Paris, comme ça, là. Et en fait, eux, ils ont gagné justement, c'était, je sais pas si c'était STN là-bas, mais en tout cas, le sous-traitant maintenant, ils ont gagné l'intégration de. En fait, les salariés qui étaient avec le sous-traitant maintenant sont intégrés dans les effectifs du groupe, donc sont employés directement par Campanile. Et je sais que c'est une de vos revendications et qu'il y a des liens avec cette grève, avec les gens qui ont fait la grève là-bas et qui sont venus vous rendre visite récemment, je crois. Tout à fait, qu'ils ont participé au mouvement justement pour les manifestations devant l'hôtel, etc. Donc on les remercie. Ils ont tenu bon 28 jours. Hein, et à la fin, ils ont gagné. Donc il n'y a pas de raison pour nous. Et c'était STN là-bas aussi Je n'ai pas d'informations par rapport à ça. Mais le syndicat, c'est pareil. Oui, c'est le même syndicat, par contre. C'est le même syndicat qui lutte. Donc le syndicat, c'est la CGT HPE, donc c'est Hôtel de Prestige et Économique. Donc c'est un des syndicats qui est très combatif en région parisienne, notamment. Et notamment, il y a eu les grèves au Parc Hayat avec eux. Tout à fait. C'est ça, ouais. Oui. Donc il y a beaucoup de grèves, soit dans les hôtels de luxe, soit dans les hôtels... c'est déjà 250 euros la chambre, on peut dire que c'est du luxe déjà aussi. Quoi. Mais ah ben oui, hein, on est deux étoiles, mais on a des prix qui sont de 3 à 4 étoiles des fois par saison. Et donc, voilà, comme je disais, quand le matin, vous faites ou bien l'après-midi, vous êtes insulté par les clients, voilà, vous êtes payé pour, personne ne réagit et fait rien. Donc, tout est bon du moment qu'on supporte la situation, parce que c'est comme ça, ben non, au moment donné, il y en a ras-le-bol général. Donc, dites-vous bien que dans cet hôtel, il y a des personnes qui, ça fait 20 ans qu'ils travaillent, 8 ans, et les plus jeunes, ça fait 2 et 3 ans. Donc, un hôtel qui fait 2,5 millions de chiffres d'affaires par an, tout à fait. Qui dégage un bénéfice net de plus de 550 millions d'euros. Ce qui suffit largement, en fait, à payer le reste. Comme tu disais, ils ont l'argent, quoi. Mais oui. Pour l'instant, ils aimeraient bien l'employer plutôt pour casser la grève, quoi. Oui, tout à fait. Et voilà, ils font un bras de fer, mais ça, en sachant que c'est perdant, parce que là, ils commencent à voir vraiment qui on est. Donc, jusqu'à présent, on n'existait pas, hein, parce que voilà, on était transparent, mais là, on existe, hein, on est bien visible. Et donc, il n'y a pas de raison. Donc, voilà, on est tous là, tous ensemble. Mine de rien, on ne s'en rend pas compte, mais même dans des grandes franchises ou autres, que ce soit là dans le cadre de Campanile ou que ce soit McDonald's, comme on a vu il y a une semaine ou deux, tu as pas mal de gens qui sont en salariat précaire quasiment et qui essaient de s'organiser et de lutter malgré tout. Ce que tu disais, Moustapha, ouais, voilà. Donc dernièrement, on a suivi la grève dans les McDonald's en région parisienne et... comme tu disais, c'est le même système de franchise, c'est-à-dire que qu'il va avoir des contrats de gérance et tout ça. Et donc, McDonald's, c'est une entreprise qui doit employer presque peut-être 1 million de salariés dans le monde entier, j'en sais rien. Mais ils font croire qu'ils n'ont que des petites unités de moins de 50 salariés, parce qu'au-dessus de 50 salariés, quand tu es une entreprise au-dessus de 50 salariés, tu as des droits qui se mettent en place. Tu peux créer un comité d'hygiène et de sécurité, c'est HSCT. Des primes d'intéressement, tu as pas mal de choses. En fait, qui se mettent en place, qui sont obligatoires. C'est HSCT pour justement si ils te mettent en danger à ton travail ou s'ils t'obligent, je sais pas, si le travail est mal organisé, t'es obligé de porter des charges très lourdes d'une manière pas pratique du tout et du coup ça fait des problèmes de dos pour tous les salariés, ça peut permettre de remettre en cause ce genre de truc, quoi. Enfin bon, voilà, juste pour dire, vous pouvez réécouter ce reportage aussi sur notre site au fondpresderadiateur.fr où vous avez tous les podcasts et tout, et je sais pas si vous avez des liens un peu avec du coup avec les salariés de McDonald's ou avec les salariés pour l'instant, non, emplois. Mais donc, certes, on est dans le mouvement. Donc, et nous, on est aussi sur Facebook, Campanule, Hôtel Campanule, parce que notre, on va dire, devise, c'est Campanule en social, bien évidemment, parce que là, ils se sont attaqués vraiment au code du travail, au respect, voilà, et tout le reste. Et donc, que ce soit, voilà, une chose, que ce soit économique ou que ce soit pour le luxe, on est dans les mêmes conditions de travail. Et ça, tout le monde y connaît. Donc voilà, n'hésitez pas pour les autres personnes à penser bien à ces actions parce que c'est la seule manière de gagner en fait. Parce qu'après, le fait de rentrer dans le CE et de faire les élections, etc., c'est toute une mise en scène si vous voulez, mais on sait pertinemment que sans grève, on n'obtient pas les revendications. C'est pas pour sans lutte, on n'a rien. Donc c'est ça, hein. Qu'on soit dans la restauration, qu'on soit dans le transport, qu'on soit conducteur ou je sais pas quoi, voilà, c'est, on parle de la classe ouvrière, je sais pas comment dire, c'est les mêmes intérêts, on a les mêmes intérêts, il faut pas qu'ils essaient de nous diviser et qu'il y ait pas d'union entre... Mais juste entre que nous. Ça serait bien de lutter sur quelque chose de plus loin que ça, parce que faut pas oublier que dans le pays, t'as... pratiquement 8 millions de gens qui sont ou au chômage ou à RSA sans être déclarés au chômage. 8 millions de personnes sur 60 millions de personnes, et on compte les gosses avec, tu vois, ça fait quand même quelque chose d'important, et ces gens ne se reconnaissent pas dedans. Si tu comptes aussi les travailleurs pauvres ou précaires qui sont isolés dans des secteurs du travail parce qu'ils sont 2 ou 3 ou 4, qui ont un loyer à payer, qui ne peuvent pas se permettre de faire ne serait-ce que 2 jours de grève dans le mois parce que soit ils se retrouvent expulsés parce qu'ils payent pas leur logement, soit ils ont pas de quoi acheter à manger. Donc c'est extrêmement dur. Si on dépasse pas ces cadres-là, en fait, et on fait pas montre d'une solidarité totale sur toute la population et transversale, que les salariés mènent des actions de blocage, que les étudiants sortent dans la rue, que les sans-abri ou que les pauvres puissent au moins participer à ça et essayer de changer les choses en profondeur, on n'arrivera strictement à rien, en fait. Juste à rester isolé. Et je rappelle qu'il y a des camarades, enfin, pas seulement des camarades, il y a des gens qui sont toujours au dépôt de l'Évangile à côté du métro Max Dormois, en fait. 32 rue de l'Évangile, ouais. 32 rue de l'Évangile, et il ne faut pas oublier... Qui ont arrêté la manifestation d'aujourd'hui contre la loi travail. Exactement, il y a une autre manif qui est prévue le 9 avril à 14h. Samedi 9, journée de grève, toujours contre la loi travail. Donc voilà, ça part de la loi travail, comme tu disais, on espère un mouvement d'ampleur qui remettrait les choses... en cause de manière profonde, quoi. Et du coup, donc journée de grève, samedi 9, rendez-vous à 14h à République aussi pour la manif. Voilà, et pour nous, oui, pour c'est rendez-vous aussi. Devant le campanile Porte de Bagnolet, métro Galeni, à partir de midi. Le 9 ? Le 9. Et d'accord. Après, on rejoint la manif. Vous faites le tour de tous les campaniles. Ah oui, oui, là, on doit déranger au maximum tous les collègues parce que, voilà, entre autres, campanile, justement, Bagnolet, c'était un gros porteur à l'époque. Donc, ils ont eu tout en temps et en heure. Tandis que les autres, voilà, on lutte pour avoir les mêmes conditions. D'accord. Et du coup, si on veut vous apporter du soutien, si on veut vous rencontrer ou quoi, ça se passe où ? C'est quoi l'adresse ? Comment on peut vous voir On est en permanence à l'hôtel, donc de Nevers à 20h, au 30 rue Saint-Charles, métro Duplex au Birakeim. D'accord. Et les horaires, c'est quoi ? Nevers jusqu'à 20h. 9h-20h. Okay. D'accord. Ouais. Il y a les informations sur le site CGT HPE aussi, donc CGT Hôtel de Prestige et Économique. Il nous reste en gros 2 minutes d'émission. S'il y avait quelque chose dont il fallait absolument parler, voilà, dont je voulais pas juste parler, revenir à notre unité. Oui, ils ont essayé justement de supprimer notre délégué du personnel en externalisant la société de nettoyage pour que ça rentre pas dans le nombre de personnes, on va dire, pour les élections. Aussi. Voilà. Et ils ont pas réussi. Donc, un grand merci pour les luttes de notre délégué du personnel et de notre syndicat. Parce que si on est là, à l'heure actuelle, agrévé, c'est grâce à eux et grâce à ces combats qu'on a pu aussi rentrer dans le CE du Louvre-Hôtel à niveau national. Hein, au niveau national. Et toi, Bordia, tu aurais quelque chose à dire ? Merci pour Claude, le syndicat. Merci pour Momo. Merci pour Brahim. Et merci pour Fouad. Et merci, au revoir. Merci à vous. Franchement, merci, ça fait plaisir de vous accueillir ici. Vous êtes comme chez vous. Vous venez quand vous voulez. Merci. À la radio, la Fréquence Paris Pluriel, on vous accueille avec plaisir. Une dernière chose à rajouter, je te vois, tu te rapproches du... Non, j'ai dit voilà, donc n'hésitez pas pour les autres personnes de lutter contre le retrait de la loi El Khomri, de se réveiller un peu, et je m'adresse aux jeunes qui des fois, voilà, ils n'en parlent même pas au lycée ou en famille, donc c'est très important, donc c'est le moment, donc rejoignez le mouvement, parce qu'il faut que ça bouge, et ça bouge dans le bon sens. Ok, donc voilà, au fond, vas-y, je t'en prie. Merci pour les femmes de chambre de la Truffale. Merci mes collègues. Franchement, merci à vous encore. Donc c'était l'émission Au fond près du radiateur, c'est Fréquence Paris Pluriel, 106.3 FM. On se retrouve tous les mardis, donc mardi prochain de 19h à 20h30 pour la rediffusion. Ça sera le vendredi matin de 7h à 8h30 du matin. Vous pouvez aussi réécouter toutes les anciennes émissions sur internet. Notamment, on avait interviewé aussi les grévistes de l'hôtel W Paris Opéra. Donc, il y avait aussi Starwood et STN dans l'affaire. Donc, vous pouvez réécouter aussi cette émission. Les salariés de McDonald's qui étaient en lutte, les lycéens, les étudiants, tout ça, ça se passe dans Au Fond Près du Radiateur. Donc, notre site aufondprèsduradiateur.fr. Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook. Au Fond Près du Radiateur, vous tapez Au Fond Près du Radiateur dans Facebook et puis Campanule, Hôtel Campanule pour suivre un peu la grève des salariés de Campanile. Voilà, donc bonne soirée. Tout de suite, vous allez retrouver l'émission Dooboot avec Lucien et Théo et on vous laisse à mardi prochain, 19h-20h30. Merci d'avoir été là. Merci à vous. Merci. Bonne soirée. Posso falar? Não foi legal, não pegou bem. Que vontade de chorar, dói. Em pensar, ela não vem, só dói. Mas pra mim tá tranquilo, eu vou zoar. O clima é de partida, toda sequência na vida. De bobeira que eu não estou. Você sabe como é que é. Eu vou, mas poderei voltar quando você quiser. Demorou, vai ser melhor. Tive razão. Posso falar? Não foi legal, não pegou bem. Que vontade de chorar, dói. Em pensar que ela não vem, só dói. Mas pra mim tá tranquilo, eu vou zoar. O clima é de partida, vou dar sequência na minha vida. E de bobeira que eu não estou. E você sabe como é que é. Eu vou, mas poderei voltar quando você quiser. Demorou, vai ser melhor. Na minha vida, de bobeira que eu estou, e você sabe como é que é.